Si vous souhaitez obtenir l'espace Campus France, tapez 1. Pour le département de langue française, tapez 2. Pour l'administration, tapez 3.